Référendum en Crimée, 95% des électeurs veulent le rattachement à la Russie, 16 mars 2014. Les responsables électoraux de la Crimée affirment que 95% des électeurs se seront prononcés en faveur du rattachement de leur région à la Russie, une décision qui impliquerait sa séparation de l'Ukraine. Ces résultats provisoires ont été annoncés dimanche soir, quelques heures après la fermeture des bureaux de vote en Crimée. Le scrutin s'est tenu sous le regard de milliers de soldats russes lourdement armés. Le taux de participation est élevé puisqu'il est estimé à 75, voire 80%. C'est dans ce contexte que le leader pro-russe de Crimée, Sergueï Aksionov, a annoncé que son gouvernement allait demander lundi le rattachement de cette région à la Fédération de Russie. Mais à Kiev, le gouvernement ukrainien s'indigne au cours d'une réunion d'urgence. Le premier ministre intérimaire Arseniy Yatsenyuk a qualifié le référendum de « cirque », réalisé sous la menace de Moscou, même son de cloche à l'échelle internationale, les États-Unis, l'Union européenne et le Conseil européen disent qu'ils ne reconnaîtront pas les résultats du référendum qu'ils qualifient d'illégal. Tout comme le gouvernement ukrainien, il dénonce la menace d'une intervention militaire russe. Aucune décision sur l'avenir de l'Ukraine ne peut être prise sans le gouvernement ukrainien, martèle la Maison-Blanche. La présidence américaine a appelé tous les Ukrainiens à faire entendre leur voix lors de l'élection présidentielle prévue pour le 25 mai. Les États-Unis et la Russie ont cependant convenu de soutenir réformes constitutionnelles en Ukraine, comme solution à la crise politique que traverse ce pays. Au cours d'une conversation téléphonique, le secrétaire d'État américain John Kerry et son homologue russe, Sergueï Lavrov, ont notamment évoqué le partage du pouvoir et la décentralisation. De son côté, le ministre intérimaire de la Défense de l'Ukraine a annoncé une trêve avec la Russie en Crimée, jusqu'au 21 mars, Sierra Leone, une semaine de deuil pour la mort de l'ex-président Ahmed Terhan Kaba. Ahmed Terhan Kaba a dirigé la Sierra Leone durant la guerre civile et a été un acteur clé dans la résolution du conflit ayant abouti à la paix en 2002. Il est décédé le 13 mars à Freetown à l'âge de 82 ans, 14 mars 2014. L'ancien président Kaba est décédé à son domicile jeudi vers 15h50 GMT, a annoncé à la presse John Benjamin, l'ex-président de la formation politique de Monsieur Kaba, le Parti du Peuple de Sierra Leone, SLPP. L'actuel président sierra-léonais Ernest Bai Koroma a déclaré une semaine de deuil pour honorer sa mémoire. Ahmed Terhan Kaba avait quitté le pouvoir en 2007, après deux mandats à la tête du pays qui a été dévasté par plus d'une décennie de guerre civile. Entre 1991 et 2002, environ 120 000 personnes ont perdu la vie dans ce conflit, durant lequel des milliers de personnes, y compris des enfants, ont été mutilées. Élu en mars 1996, Monsieur Kaba avait été renversé en mai 1997 lors d'un coup d'État mené par le Conseil révolutionnaire des forces armées, AFRC, le mouvement armé ayant porté au pouvoir Johnny Paul Koroma. Monsieur Kaba avait été rétabli au pouvoir en mars 1998 après l'intervention de la force ouest-africaine ECOMOG, puis il a été réélu en mai 2002 à l'issue du processus de paix. Burkina Faso, l'ADF, reste dans la majorité, mais contre la modification de l'article 37, nous sommes pour la limitation du principe des mandats présidentielle afin de permettre un renouvellement de la classe politique. explique Gilbert Ouédraogo, le président du parti, 17 mars 2014, au Burkina Faso. L'Alliance pour la démocratie et la Fédération, Rassemblement démocratique africain, ADF, RDA, a tenu son congrès ce week-end. Ce parti clé de la majorité présidentielle a pris deux décisions importantes. D'abord, il réaffirmait son opposition à la modification de l'article 37 de la Constitution limitant le nombre de mandats présidentiels à deux, et, plus surprenant, le parti, qui avait soutenu Blaise Compaoré lors des dernières présidentielles, a décidé de présenter son propre candidat à l'élection présidentielle de 2015. Nous sommes pour la limitation du principe des mandats présidentiels afin de permettre un renouvellement de la classe politique, explique Gilbert Ouédraogo, le président du parti. Alors question, le parti ADF-RDA fait-il partie de la majorité présidentielle au Burkina Faso ? Nous sommes de la majorité, insiste Ouédraogo, l'ancien ministre des Transports qui est aussi l'actuel maire de Ouaïgouya, dans le nord du Burkina Faso. Pour lui, il n'y a rien de surprenant dans cette position. Les positions que nous défendons aujourd'hui sont des positions de principe qui sont conformes à nos textes organisationnels, à notre programme politique et ne sont pas contre une personne, explique Ouédraogo. Loi anti-tabac au Sénégal. Bataille a continué. La ministre de la Santé l'a qualifié de grande avancée pour le Sénégal. Mais pour le président de la Ligue sénégalaise contre le tabac, il y a encore des lacunes à combler. 17 mars 2014, l'Assemblée nationale sénégalaise a adopté vendredi, à l'unanimité, une loi anti-tabac interdisant de fumer dans les espaces publics, prohibant la vente de tabac à proximité des établissements scolaires et interdisant aussi toute publicité autour des produits du tabac. La législation doit encore être promulguée par le président Macky Sall. La ministre de la Santé, Awa Marie Colsec, n'a pas hésité de la qualifier de « grande avancée pour le Sénégal ». Avis partagé par les ONG anti-tabac qui déplorent, toutefois, l'article prévoyant l'aménagement des zones fumeurs. Jacques Aristide a recueilli la réaction du docteur Abdoulaziz Kassé, président de la Ligue sénégalaise contre le tabac, l'ISTAB. Les zones réservées aux fumeurs sont une source de bataille à continuer pour éviter que les fumeurs n'enfument des non-fumeurs et ne tuent leurs femmes, leurs enfants, leurs collègues de travail et leurs contacts, a renchéri docteur Kassé. La ministre SEC a salué le vote, affirmant que le tabagisme était une véritable menace qui devait être combattue. En votant ce projet de loi à l'unanimité, les députés ont aidé le Sénégal à protéger une population vulnérable, a-t-elle déclaré à la presse. Plusieurs députés et ONG anti-tabac avaient même réclamé que la cigarette soit tout bonnement prohibée partout. Quelques jours avant le vote, la liste tabac avait appelé le gouvernement à adopter une loi anti-tabac avec des espaces 100% non-fumeurs. Le point qui pose actuellement problème dans la loi anti-tabac, c'est le fait d'aménager des espaces fumeurs dans les lieux publics. Mais cela affaiblit la loi, avait fait savoir Djibril Ouelé, secrétaire général de la LISTAB. Le Sénégal n'a pas les moyens de mettre en place de telles zones non-fumeurs. Un projet de loi 100% anti-tabac, soit l'interdiction pure et simple de fumer, serait plus approprié, avait souligné le vice-président de la LISTAB, Amadou Moustapha Gaye. La loi empiète sur les libertés individuelles. La loi, toutefois, suscitait un débat houleux au sein de la communauté de fumeurs dans ce pays ouest-africain, certains acceptant les interdictions imposées par la législation et d'autres critiquant vertement le texte parce qu'il empiète sur les libertés individuelles. La cigarette, selon eux, est une question de choix personnel. La loi prévoit des amendes allant jusqu'à $100 si on enfreint l'interdiction de fumer en public et plus de $400 000 si on viole l'interdiction autour de la publicité. Interdiction qui s'applique aussi aux événements culturels et sportifs. Les groupes anti-tabac mettent en garde contre une crise de santé publique qui se profile à l'horizon. Selon eux, à l'heure où les compagnies de tabac ciblent l'Afrique comme un marché en pleine croissance, alors qu'elles perdent du terrain ailleurs dans le monde. D'après l'Organisation mondiale de la santé, OMS, le tabac tue la moitié de ceux qui en consomment. L'épidémie de tabagisme tue près de 6 millions de personnes chaque année. Plus de 5 millions d'entre elles sont des consommateurs ou d'anciens consommateurs. Et plus de 600 000 des non-fumeurs involontairement exposés à la fumée. Si aucune mesure n'est prise d'urgence, le nombre annuel de ces décès pourrait atteindre plus de 8 millions d'ici à 2030. Plus de 80% du milliard de fumeurs dans le monde vivent dans des pays à revenus faibles ou intermédiaires. Même si elle baisse dans certains pays à revenus élevés ou à revenus intermédiaires supérieurs, la consommation totale de produits du tabac augmente au niveau mondial, écrit l'OMS, sur son site relatif aux principaux faits concernant le tabagisme. Pour sa part, l'American Cancer Society note dans un document qu'entre 1999 et 2009, la consommation de cigarettes a augmenté de 57% en Afrique et au Moyen-Orient, au Sénégal. Le nombre des jeunes fumeurs s'est accru par un taux de 12%, selon la même ONG. Le Sénégal a ainsi emboîté le pas à d'autres pays de la région, dont le Libéria et le Ghana qui ont interdit de fumer en public, même si l'application de chacune de leurs lois laisse à désirer.